veux. Tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Quoi? Tu veux quoi? Quoi? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux quoi?